Bonsoir Jamel, nous sommes ici ce soir à l'Essentiel, donc on a passé une soirée en compagnie de deux médiums exceptionnels et ce soir donc vous avez rencontré Inès, c'est ça? Absolument, j'ai rencontré, bonsoir déjà, bonsoir. J'ai rencontré Inès là il y a quelques minutes, ça s'est super bien passé, j'ai passé un agréable moment à sa compagnie, ouais, j'ai été très bien accueilli et je ne regrette pas du tout l'avoir fait. D'accord, donc pour remettre dans le contexte, nous avons organisé une petite soirée autour d'un, bah, d'un verre de vin ou autre d'ailleurs, et puis de consultation de voyance. Est-ce que vous aviez déjà consulté auparavant? Alors j'avais déjà consulté auparavant, en revanche ce soir je suis venu, je me suis dit bon bah je verrai sur place si j'ai envie de consulter ou pas. Des amis avaient déjà planifié elles leur rendez-vous. En revanche, moi, j'étais en mode, je vais boire un verre et si je le sens, on verra bien. Voilà, c'est ça. Voilà, en fin de soirée. Mais Inès, coup, je me suis laissé tenter. Je me suis laissé tenter et je regrette pas. Génial. Et Inès, pour le coup, c'était vraiment la première fois que vous la consultiez. Ah oui, elle oui. Ouais, d'accord. J'ai déjà rencontré avant, mais c'était pas Inès. Et donc voilà, vous êtes venu avec des amis parce que vous avez reçu peut-être un mail, quelque chose comme ça. Oui, un petit message d'une amie à moi qui avait prévu de venir ici, qui nous a proposé à un autre petit groupe d'amis de la rejoindre. D'accord. Et, du coup, on est plusieurs à avoir répondu présent. Et, donc c'est sympa, c'est on mange un petit bout, on boit un petit verre et puis on a une question, donc on va aller la poser. C'est ça. Mais au départ, moi, j'étais en mode vraiment, je vais me boire un verre. Je me déciderai sur place si je veux le faire. Si j'ai envie. Alors du coup, l'expérience plutôt positive? Ouais, assez positive. Je pense qu'elle a vu juste en moi, en tout cas. Pour ce qui est de l'avenir, on verra. Parce que je d'accord. Peux pas le confirmer. C'était plutôt une question de quel thème, si vous souhaitez dévoiler. Travail, d'accord. C'était principalement travail. Ça fait écho un petit peu ce qu'elle vous a dit? Ouais, ça a fait écho. Et en plus, c'est des choses qu'on m'avait déjà dites auparavant. D'accord. Mais dites différemment, évidemment. Et puis là, il y a la notion de temps aussi qui rentre en compte, parce que c'était bien quand même sûr. Beaucoup plus proche par rapport à ce qu'on m'avait dit avant. Et tout. Donc, non, c'est très bien. Ça a fait écho en tous les cas. Ouais. Peut-être que ça va vous donner un petit coup de pouce pour avancer encore peut-être plus vite que prévu finalement. On m'a donné des petits conseils, des petites choses à faire. Il y a cet aspect un peu coaching qui était présent. Elle est pleine de bienveillance, Inès. Oui, tout à fait. Elle est très douce. Et c'est pour ça que je me suis senti très à l'aise. Je me suis senti à l'écoute. Je dis à l'écoute, mais c'est plus elle qui a parlé, heureusement. Parce que moi, j'étais plutôt là pour écouter. Mais en tout cas, elle était là pour ressentir ce que je pouvais avoir pas besoin d'entendre, parce qu'elle me disait pas ce que j'avais besoin d'entendre, mais elle était là en tout cas pour répondre à mes questions. Parfait, donc vous avez passé un bon moment avec vos amis et avec Inès. Absolument, ouais. Et en plus j'ai eu un petit cadeau. Ah, super, un petit sac, un petit tote bag avec des petites choses très sympas à l'intérieur, une petite gourde je crois, une petite plante, génial. C'est bien, un petit cadeau en plus. Vous reviendrez nous voir alors pour la prochaine session? Ben on verra selon ce qui s'est passé entre temps, mais il y a des chances. Eh ben n'hésitez pas, on vous attend avec grand plaisir. Merci encore. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.